vous n'êtes pas des couples de... De transgenres. De transgenres. De transgenres. De transgenres. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, nous nous trouvons toujours sur l'émission Transdanar, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Cette émission a lieu tous les mercredis de 21h... Non, 22h... Non. 20h30. 20h30 à 22h. Notre adresse, je donne toujours notre adresse, 365A, chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, c'est le 02-344-58-55, 02-344-58-55. Voilà, alors ce soir, nous faisons un interview préenregistré, donc c'est pour mercredi. Nous avons invité deux personnes qui, suite à une BD qui va être éditée, qui va sortir le 25 octobre, je crois, sur l'anarchie. Voilà. Alors, il y a Véronique. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis philosophe, écrivain, poète. Je travaille aussi pas mal sur des monographies. J'écris sur la fraction Armée Rouge, Ulrich Meinhof, sur différents sujets. Et donc, c'est un roman graphique que j'ai écrit. Donc, j'ai rédigé le synopsis et le texte avec Winchlus, le dessinateur. Et c'était c'est dans le cadre de la collection créée par David Van der Meulen, la petite BDTech des savoirs au Lombard. Et donc, d'emblée, j'avais proposé l'anarchie parce que c'est un mouvement qui a été occulté, qui a été refoulé dans l'histoire, dont l'importance historique, l'importance conceptuelle est passée sous silence, alors qu'elle a un revival à l'heure actuelle et peut donner des pistes de sortie par rapport au bourbier politico-social ambiant. Et puis, David ? Oui, bonjour. Bonsoir, David. Oui, bonsoir. Alors, je me présente. Je suis en fait auteur de bande dessinée. Donc, je suis scénariste, dessinateur et également, j'ai été éditeur de cette collection, La Petite BDTech des Savoirs, qui est une collection dont l'anarchie ici, qui sort le 25 octobre, est le 29e titre. C'est une collection assez récente qui a commencé en 2016. Et qui a pour but de rejoindre un dessinateur avec un spécialiste d'un domaine, on va dire de sciences humaines au sens large, mais ça peut être culturel, philosophique, sciences dures, sciences sociales. Et voilà. Et en fait, c'est un peu sur le modèle, si tu veux, des que sais-je en bande dessinée. Donc, c'est des titres assez... C'est des petits formats et c'est des titres assez courts qui font entre 60 et 90 pages et qui abordent un sujet en bande dessinée. Donc c'est de la non-fiction, c'est ce qu'on appelle de la non-fiction, c'est vraiment expliquer le monde en bande dessinée avec les meilleurs spécialistes qu'on puisse trouver sur ce sujet. La BD, ça veut dire que ça peut être ouvert à beaucoup de public, en fait, aussi bien des ados que des adultes ou des choses comme ça, ou c'est réservé En fait, la base, c'est, on va dire que c'est pour les à partir de 15 ans, on va dire, et c'est vraiment pour les, ouais, pour les ados et les jeunes adultes. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça parle à n'importe qui et même aux adultes. Le truc, c'est que c'est assez compliqué sur 29 titres de cibler vraiment un titre parce qu'il faut parfois il faut un bagage, il faut des connaissances. Par exemple, on a fait un titre sur les mathématiques, sur le hasard, et là c'est très très compliqué de dire par exemple un adulte de 60 ans va peut-être rien comprendre au bouquin, alors qu'un gamin de 12 ans va trouver ça trop simple. C'est parce que justement, là, quand on parle de mathématiques, c'est assez compliqué, le bagage est propre à chacun. Donc ici, pour l'anarchie, je dirais que oui, on va dire c'est à partir de 12-13 ans, je dirais. Oui. Oui. Et si on parle un peu de contenu, parce que vous commencez avec une introduction sur les mouvements un peu sociaux aujourd'hui, mais ça c'est en texte, avec les gilets jaunes, les zadistes, Notre-Dame-des-Landes comme exemple, où on parle dans les médias mainstream sur les anarchistes, ou l'anarchie. Et après, le BD commence vraiment. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu dire comment vous avez choisi un peu le début, au milieu, la fin, un peu la structure? Oui. Enfin, donc, il y a une mise en récit, une mise en narration qui vient des idées de David et aussi des idées de Winschluss et moi. Et donc, on a voulu faire effectivement un récit et pas uniquement plaquer les théories. Mais mon but était de faire quand même un panorama d'une part des théories anarchistes qui sont quand même assez mal connues, en prenant quelques figures que j'ai dû bien sûr condenser en très peu de pages, parce que je ne peux pas évoquer tout Bakounine, toutes les complexités du débat entre Bakounine et Marx, la rupture avec l'international, avec l'AIT en deux pages. Mais donc j'ai essayé de trouver les moments charnières, d'abord au niveau des théoriciens, et puis de mettre en scène le rôle des anarchistes lors des événements, les événements actuels aussi, mais j'ai remonté dans le temps et j'ai pris la Commune de Paris, bien sûr, avec la figure après de Louise Michel, la révolution mexicaine avec les frères Magon, puis la révolution russe où le rôle des anarchistes est encore passé sous silence puisqu'ils ont été éradiqués par le parti bolchevique et par l'armée rouge, et enfin la guerre d'Espagne. Et donc je me disais aussi qu'à l'heure actuelle, dans une situation d'impasse avec un virage extraordinairement néo-sécuritaire dans la plupart des pays d'Europe ou ailleurs, par rapport à un ultralibéralisme qui n'est que la continuation d'une vague très contre-révolutionnaire qui s'est instaurée après la Seconde Guerre mondiale, il était utile de donner, je dirais, presque des munitions pour penser quels ont été les apports anarchistes et en quoi, à l'heure actuelle, ils permettent encore de donner des issues. Et donc là, je me base un peu sur le livre de Gaetano Manfredonia, qui a donné lieu à une série sur Arte, l'histoire de l'anarchie de Tancrède Ramonet en deux volumes. Et lui, c'est un spécialiste de l'anarchie. Moi, je ne suis pas vraiment une spécialiste de l'anarchie, puisque je viens de la philosophie, je travaille surtout sur Deleuze, etc. Mais donc, je n'ai pas la connaissance, par exemple, qu'avait Jean Métron ou Manfredonia ou Baillargeon. Donc c'est quelque chose, mais donc je n'ai pas une énorme connaissance, je pense qu'il faut aussi le dire, mais c'est un mouvement qui me passionne. Et j'ai repris la thèse de Manfredonia qui me semble très juste, c'est que si au fil de l'histoire les anarchistes semblent avoir été vaincus et chaque fois avoir été combattus soit par le nazisme, soit par le bolchevisme et puis par le capitalisme, au niveau des idées, ils sont gagnants, quoi. Et donc je voulais aussi rappeler que la lutte pour les droits des travailleurs, l'anarcho-syndicalisme, la journée de 8 heures, tout ça, l'abolition de la peine de mort, sont des combats qui ont été remportés grâce aux anarchistes. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont alentour ramasser des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle, et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y a un lapin sur 100 et pourtant ils existent, et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie, pour traîner dans la vie des couteaux pour trancher le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'un lapin sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Et moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une préface au livre, comme je fais une préface à tous les bouquins, pour remettre un petit peu aussi dans le contexte et rappeler à quel point l'anarchisme est très mal compris par les autorités, par les gouvernements actuels, et comment il y a un glissement de sens qui perdure depuis, on va dire depuis le XVIIe siècle, depuis que le mot anarchie est synonyme de désordre en fait. Et c'est pour ça que dans ma préface, je parle justement du ministre Philippe français, quand les premiers débordements des Gilets jaunes sont arrivés, a dit à la télévision, la France ce n'est pas l'anarchie. Sous-entendu, la France ce n'est pas le désordre. Et donc tout ça, c'est en fait pour rappeler à quel point le livre et les propos de Véronique et ce qu'elle rappelle est extrêmement important. Parce que, justement, l'anarchie, c'est pas le désordre. C'est une continuité de pensée qui est très positive et qui est extrêmement mal interprétée, mal comprise. C'est vrai que moi, je trouve, quand j'ai lu le on dit BD ou pas, ouais, bon, c'est vrai que c'est quand même une chouette manière pour présenter l'anarchie avec. C'est un bon résumé, une synthèse. Et, parce que c'est vrai que si on doit laisser lire tel ou tel livre complet à quelqu'un qui s'intéresse un peu, mais pas profondément, et c'est vrai, je pense que c'est aussi un livre qui peut être utilisé pour didactique, non? Mais en fait, c'est ça l'important, et c'est ça le but de la collection, en fait, pourquoi parler de ces sujets en bande dessinée? Parce que la bande dessinée est un médium où on se rend compte que, en fait, il y a l'image, et l'image apporte de l'émotion, mais aussi de la synthèse, et il y a une mémorisation qui est beaucoup plus facile quand c'est expliqué en bande dessinée, parce que d'abord, simplement le lecteur le lit à son rythme, donc ça va être beaucoup plus facile que quelque chose d'audiovisuel où il y a le temps qui s'impose et l'auditeur doit être obligé de prendre toutes les informations au rythme qu'on les lui donne. Là vraiment il est avec quelque chose dont c'est lui qui tourne les pages au bon moment. Et il peut revenir facilement en arrière. Et les images lui mettent un impact dans la rétine. Et les concepts, je pense que les concepts se comprennent beaucoup plus facilement. Oui, et se mémorisent mieux. En fait, on a tous lu des bouquins de 300 pages serrées sur l'anarchie. Un mois plus tard, il faut le résumer à un ami. On ne sait plus par où commencer. Là, on lit la bande dessinée de Véronique. Dans un mois, vous verrez l'effet est saisissant. En fait, on intègre mieux les données et on a l'impression de mieux les comprendre. Et en plus, Véronique revient avec les fondamentaux, les bases, et comme ça de faire un panorama des fondamentaux, on a vraiment l'impression que c'est un bon outil pour... En fait, le but de ces petits livres, de cette petite collection, c'est juste de donner envie d'aller après lire des livres beaucoup plus touffus, beaucoup plus complexes, d'aider à réveiller les flammes ou à éveiller les flammes chez les lecteurs. Ouais, je trouve aussi c'est aussi bien pour savoir c'est quelle tendance d'anarchie qui me parle le plus pour aller creuser un peu plus vers ceci ou celle personnage. Mais c'est vrai que quand on lit les choses, hein, Axel, toi tu voulais en parler un peu. C'est vrai qu'on de temps en temps on manque de temps en temps quelques noms, hein, comme on parle pas d'Alexander Bergman par exemple, ou Emma, oui, Emma Latesta, c'est un petit peu. Il y a certaines choses que Emma Goldman, c'est vrai, c'est nommé aussi quelque part, mais c'est vrai que. Et donc voilà, donc c'est vrai que pas toutes les anarchistes vont retrouver leur favori, peut-être leur favori de là-dedans. Quand même. Mais Picré, qui était la secrétaire de Emma Goldman, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas tout parler de tout. L'exercice de ce genre, enfin, c'est très compliqué. Par exemple, Jacques de Pierrepont, notre pompon national, a fait un livre dans la collection sur le heavy metal. Et évidemment, tous les fans de heavy metal se sont rués là-dessus. Et tous, il n'y en avait pas un qui était content parce que... Beaucoup de groupes sont passés à la trappe. Il a réussi à parler de tous les groupes majeurs, mais certains avaient des plus grands dessins que d'autres, avaient plus de pages que d'autres, et effectivement ça peut créer des frustrations chez les passionnés, effectivement, mais c'est un peu le but de l'exercice, évidemment, c'est de faire un panorama d'un monde on est à combien de pages là, 68 pages, oui, de bande dessinée, je crois. En plus, le texte est beaucoup plus long, mais bon, j'avais aussi fait un trop long texte, donc Winchlus, le dessinateur, a voulu supprimer. Donc effectivement, dans mon texte initial, il était question de figures comme Emma Goldman, mais je les ai mis un peu dans les annexes, mais donc pour des raisons simplement de quantité, parce que le livre est une donnée finie, j'ai dû faire passer beaucoup d'anarchistes à la trappe, même des anarchistes comme l'anarchisme chrétien qui personnellement me parle moins, mais donc Tolstoï, il est à peine cité, parce que simplement donc j'ai voulu prendre tes quelques figures fondatrices, mais comme disait... Ça reste une clé d'entrée, en fait. Mais oui. Voilà, il faut envisager cette collection comme des clés d'entrée. Sans ça, il m'y fallu, je sais pas moi, 300 pages, et donc c'est pas là. Le but de l'exercice, c'était vraiment de retourner aux figures fondatrices, et de voir le rôle des anarchistes, leur différence aussi par rapport au bolchevisme, parce qu'il reste quand même pas mal de confusion dans l'esprit des gens, et surtout de faire le raccord avec le présent, en quoi, alors que chaque fois on croit que l'anarchisme est mort et enterré, il revit de ses cendres, même s'il a des périodes où la répression est telle. Je pense aussi que dans ce livre, j'ai voulu montrer aussi, puisqu'il est tellement diabolisé, que la spirale d'attentats, répression, etc., vient aussi d'une extraordinaire violence du pouvoir, puisqu'on parle toujours d'une certaine violence des anarchistes quand on parle des Black Blocs, ou avant quand on pose les figures des nihilistes. C'est la police. Oui, exactement. Ils sont partout. Exactement. Mais donc, il faut pas oublier que dans le contexte actuel aussi, ou dans le contexte que j'exprime, que j'explicite, il y a une extraordinaire violence du pouvoir. Donc, à partir d'un certain moment, se pose simplement la question de la violence. Est-elle légitime, ou est-ce que le fait de rester pacifique et de rester dans la légalité ne fait pas complètement le jeu du pouvoir ? Dans cette BD, très humblement, il fallait poser ce genre de questions, parce qu'on stigmatise toujours la violence de groupuscules en la diabolisant, en lui enlevant son côté politique ou social alors qu'il est prégné, et on n'interroge jamais l'extraordinaire brutalité du système, ou l'extraordinaire brutalité. C'est pour ça que je parle du massacre de Haymarket, qui a donné lieu à la journée du 1er mai, dont tous les martyrs, Sacco et Vanzetti. Donc l'anarchisme a quand même payé un très très lourd tribut, à travers le temps. Et donc je pense qu'il fallait aussi rappeler tous ces hommes et ces femmes qui sont morts et qui ont été pris en étau entre des forces qui voulaient simplement leur annihilation, que ce soit le capitalisme, les bolcheviques. Il n'y a qu'un parti qui a récupéré les anarchistes, c'est les bolcheviques. Quand il y a eu Sacco et Vanzetti, au départ, bon, c'était des anarches, on gueulait à Londres, à Paris et tout. Et tout de suite, le Parti communiste a mis son truc. Et comme le Parti communiste, à l'époque, en 1921, avait quand même une force énorme, alors du coup, ils ont tout récupéré. Il y a eu effectivement un effacement de la mémoire anarchiste. To you, Nicola. Et donc, effectivement, si tu parles de la révolution russe, il y a eu aussi le dilemme au rang des anarchistes. Je voulais montrer que l'anarchisme est extraordinairement pluriel aussi, puisqu'il y a aussi l'anarchisme écologique, l'anarcho-féminisme, l'anarcho-syndicalisme. Donc, c'est une mouvance, une nébuleuse. Les anarchistes juifs. Et il y a eu à New York, il y a eu les kibboutz qui ont été inventés par les anarchistes. Et surtout, c'est qu'il y avait un journal, et c'est en 1900, la date n'est pas vraiment, c'est 75, où ils ont arrêté d'écrire un journal en yiddish. Et c'était un groupe important parce que, aux États-Unis, quand les gens sont venus en 1900 et tout, il y avait beaucoup de Polonais, beaucoup de Russes, beaucoup de Bulgares, tout ça, on les opprimait parce qu'ils étaient juifs, et ils sont venus à New York. Et bon, il y en a certains qui n'ont pas pu rentrer aux États-Unis, mais il y en a d'autres qui sont partis au Canada, qui sont partis en Amérique latine, à New York, il y en avait quand même pas mal. Alors, ils avaient trouvé le yiddish qui était plus facile de parler parce que les prolos qui venaient, parce que c'était aussi une classe prolétarienne qui venait aux États-Unis pour gagner des sous. Et bien, eux, ils parlaient seulement l'ukrainien, russe et tout. Et bon, à part les intellectuels qui parlaient un peu anglais, mais les autres, alors du coup, ils parlaient entre eux, entre les Bulgares, les trucs, ils parlaient yiddish. Et ils ont fait ce journal pour l'écrire en yiddish, c'était pour communiquer avec les gens qui étaient... Voilà. Et d'ailleurs, ces primo-arrivants du début du siècle aux États-Unis, à New York et tout ça, apprenaient l'anglais grâce aux bandes dessinées qui paraissaient le dimanche. Le dimanche, il y avait une bande dessinée dans les grands, dans les deux grands journaux américains, c'était les Yellow Kid et tout ça à cette époque-là. C'est avec ces bandes dessinées-là que tous ces primo arrivants commençaient à apprendre l'anglais. Donc c'est pour ça que, tout est dans tout, et c'est pour ça que je rappelle à quel point la bande dessinée est extrêmement importante pour la compréhension. Tout à fait. Et comment on fait en Bruxelles, en Belgique, pour pouvoir éditer ce genre de livres? C'est financièrement et tout ça, et le marché, est-ce que où vous allez vendre maintenant ce bouquet ou, Alors bon, là, on a de la chance parce qu'en fait, on fait partie... Donc, ce livre, La petite BD Tech des Savoirs... Ah, maintenant, c'est la police... Ah, hélicoptère, la oui. police par hélicoptère. On est vraiment cerné. On a tous les bruits aujourd'hui. Et donc, on a de la chance parce que... de la chance pour être vu parce que la petite BD Tech des Savoirs est éditée aux éditions du Lombard. Et donc, les éditions du Lombard, c'est quand même un des très très grands éditeurs européens qui est ici basé à la gare du Midi à Bruxelles. Donc quand vous sortez de la gare, la tête à Tintin que vous voyez, c'est là, c'est le siège du Lombard. Et donc le Lombard, donc c'est Tintin historiquement et tout ça. Donc c'est quand même une très grande maison qui, c'est vrai, a des actionnaires extrêmement catholiques, on va dire, et des bons catholiques, des vrais, des purs de vrais. Donc c'est d'ailleurs assez amusant que un titre comme ça a réussi à apparaître, parce que c'est la collection que j'ai réussi à créer avec ma compagne Nathalie Van Campenotte aux éditions du Lombard est totalement un peu hors sujet par rapport au catalogue historique du Lombard. Et même tu as eu beaucoup d'audace aussi, hein, dans... C'est un peu audacieux, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans notre bon livre ici, il y a une... Parce que le Lombard est plutôt un éditeur pour la jeunesse. Et ici, page 68, on peut ouvrir le livre de Véronique et Vinschlus a dessiné il y a une couille qui dépasse. Ce genre de choses, ben, ils ne l'ont pas vu. D'abord, ils ne l'ont pas vu. Et donc. ça fait rire Nicole. Nicole cherche la couille. Il y a une couille dans le potage. Page 68. Non, elle est tout à fait. Voilà. Ici. Parce que la mère se fusque en disant, il n'a même pas de slip. Voilà. Donc la collection est tout de même très très bien distribuée en France et tout ça. Donc là, on est quand même sur toute la collection, on a sur les 29 titres, on est quand même à un demi-million d'exemplaires en tirage. On est traduit en 10 langues, donc en chinois, en coréen, en américain, en espagnol, en italien, en allemand. Donc c'est quand même une collection qui a une énorme visibilité pour des titres qui sont tout de même assez difficiles ou peu communs, parce qu'on a fait un titre sur les situationnistes dans la collection, on a fait avec Laurent de Sutter qui est bruxellois aussi, on a fait une histoire de la prostitution. On a fait des titres sur le libéralisme, on a fait des titres sur le heavy metal. Donc c'est quand même des sujets qui ne sont pas du tout repris normalement aux éditions du Lombard et même assez peu en bande dessinée et qui ont une énorme visibilité et qui ont la chance d'être traduits et d'être vus dans le monde entier. Voilà, moi je voulais revenir sur, tu as parlé de tout à l'heure que tu avais écrit un long texte sur l'anarchie et que le dessinateur, lui, a été obligé de s'adapter, voilà. Mais en fait, c'est lui qui s'adapte, qui fait les dessins d'après le texte et qui coupe ce qu'il veut couper, en fait, dans le texte. C'est-à-dire que moi, je lui ai apporté le texte tel quel, mais bon, un écrivain toujours trop disert et trop bavard, donc j'estimais effectivement que par page, il y avait trop de condensation, et donc, comme c'est un partenariat, Vinschlus, qui est un dessinateur incroyable, devait aussi trouver de ses marques, pouvoir injecter sa propre création. Donc on a dû effectivement écrémer pas mal de choses. Parce que c'est... Ça, vous l'avez fait en collaboration alors? Oui, en collaboration. Ah, oui, c'est ça. Et Vinschlus fait ça très bien. En fait, il avait déjà fait un travail extraordinaire en adaptant par exemple le Persepolis de Marjane Satrapi, ouais. La BD en film. C'est lui qui a réalisé le film qui a gagné à Cannes et au César et qui a été nommé aux Oscars et tout ça, qui a fait le tour du monde. Donc Vinschlus c'est vraiment pas n'importe qui, et c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de prendre une matière et de pouvoir l'incorporer, l'ingérer et la rendre avec son langage à lui, qu'il soit en BD ou en audiovisuel. Oui, parce que l'histoire de ce petit garçon qui est dans une famille et qui regarde constamment son ordinateur, c'est lui qui a inventé oui, en fait, exactement. Ça. Voilà. Et que les parents viennent après prendre des cours sur l'anarchie. Et lui, il s'enfuit, il part avec un bateau, il se retrouve sur une île paradisiaque où il découvre le monsieur. C'était aussi l'idée de David. Oui, non, c'était. Oui, c'était. C'était non, mais c'était vraiment une idée de Vinschlus. Et c'est lui qui. J'ai un peu participé aussi à seconder Vinschlus, parce qu'en fait on est amis depuis très très longtemps, parce que Vinschlus a habité ici à la fin des années 90 quand on n'était pas, ni lui ni moi, nous n'étions pas du tout connus et tout ça, et donc on faisait nos petits fanzines et notre amitié vient des années 97-98 et donc on se connaît très bien, on a une grande confiance mutuelle et on avait déjà par le par le passé travaillé plusieurs fois ensemble sur certains projets. Donc il a été tout à fait naturel que Vinicius me demande de l'aider, je l'ai aidé. Mais c'est la BD qu'on voit, c'est vraiment son univers et c'est vraiment les idées premières qui sont dedans sont vraiment de lui et c'est vraiment son univers. Et c'est à partir de quand que ça sera disponible alors? Le 25 octobre. 25 octobre. Et alors normalement c'est dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les et même les grosses librairies genre Fnac et compagnie, sur toutes les plateformes internet et tout ça. Donc c'est vraiment normalement c'est une grosse diffusion, donc c'est dans le magasin de BD. C'est dans les magasins de tous les magasins de bande dessinée de Bruxelles et des grandes villes vont être normalement pourvus du titre. Ouais. Est-ce que c'est aussi traduit en néerlandais? Alors c'est très curieux parce que la BD Tech a été traduite en 10 langues, comme je l'avais dit, et le néerlandais n'en veulent pas. Pour le moment, c'est impossible à... Et en fait, ce n'est que des... L'éditeur, en bande dessinée, l'éditeur ne peut pas imposer une traduction. Ça doit être des offres. Quoi. Enfin, c'est... Mais oui, il est présent en Hollande en langue anglaise. Commission anarchiste en Hollande aussi. Il y a quelques titres qui sont traduits en anglais, le néerlandais à l'heure actuelle. Mais bon, je ne désespère pas qu'un éditeur se fera remarquer et dira ça m'intéresse, et donc on serait très très heureux évidemment que ce soit traduit en néerlandais. Parce qu'il y a Air von Jaco à Amsterdam, qui est une très grande librairie anarchiste. Quoi. Bon, ils ne vendent pas que l'anarchie, mais c'est beaucoup d'anarchie. Ce sera peut-être alors le premier traduit en néerlandais. Oui, alors il faut voir si ce sera un néerlandais plutôt batave ou un néerlandais flamand, parce que c'est pas la même chose. C'est juste que je pense que c'est vrai que pour certains... néerlandophones, on parle l'anglais, on comprend l'anglais, mais c'est juste dommage parce que c'est didactique, c'est pour les ados qui comprennent peut-être pas encore tout à fait. Une espèce de boîte à outils pour réfléchir aux moyens d'action à l'heure actuelle, et donc parce que l'anarchie est aussi extraordinairement métamorphique et inventive. Donc par exemple, l'arme de la grève générale, et donc d'un blocage total de la production capitaliste, était une arme absolument sidérante quand elle a été... lancée, et donc maintenant elle est peut-être plus aussi opérationnelle, mais il y a d'autres formes de mobilisation, et donc je voulais aussi insister sur l'inventivité des stratégies pour faire face à un pouvoir qui est souvent obtus. C'est pour ça que j'évoque beaucoup trop vite, mais après ce long sommeil de l'anarchie la guerre d'Espagne suite à la répression aux États-Unis, en Espagne, en Europe, il y a quand même un revival qui prend des formes toujours très métamorphiques, avec les hippies, les situationnistes, puis... Les situationnistes sont très proches des anarchistes. D'abord, il y avait des anarchistes dans les situationnistes. Il est pas beurre ou maghrébin, pas pakistanais ni indien, mon terroriste... N'est pas sans papier pasanais, n'est pas non plus nord-irlandais, mon terroriste. Il est pas sud-américain, n'est pas de Barbès ou de Pantin, mon terroriste. Il est plutôt vachement français, du genre courtier, costume, banquier, mon terroriste. Non, c'est pas l'ouvrier qui pend, son patron par les pieds pendant, mon terroriste. Qui en aura 2000 au chômage, leurs 20 ans d'usine en bagage, mon terroriste. Les poneys dans les HLM, dans l'insalubrité humaine, mon terroriste. il vient plutôt des parisiennes, des insalubrités mondaines, on terroriste. Les pas grévistes manifestants, plus de pas contre le dieu, l'argent, on terroriste. Les pas paysans du Larzac, brûlent pas des McDo, des Big Mac, on terroriste. Je crois pas qu'il paie souvent de loyer, y'a pas l'huissier qui vient frapper chez mon terroriste. Si c'est l'Élysée son quartier, puisque la France aime bien voter pour des terroristes. Il est pas solidaire cubain, le pas anarchiste algérien, le terroriste. Les pas de la réserve des Indiens, le pas fils du Tché argentin, le terroriste. Il est plutôt sur les plateaux, à faire sa pute pour les blaireaux, mon terroriste. Je crois pas qu'il paie beaucoup d'impôts, il crèche en Suisse ou Monaco, mon terroriste. Il est pas du peuple gitan, il est pas roumain, le président, t'es terroriste. C'est pas les sans dans son boulot, les sans-abri, pas les clodos, le terroriste. Il est pas bouddhiste au Népal, non il se balade pas en sandales, mon terroriste. Avec son sourire de cercueil, non crois-moi qu'il a pas la gueule d'un terroriste. Non c'est pas mes barres de plaidard, c'est pas de cela dans les mitards, mon terroriste. Oh non, mon ami, tu peux croire, lui qu'il a jamais vu de parloir, le terroriste. Il bosse plutôt dans les médias, roi de la propagandancia, le terroriste. Il taille des pipes à la finance, je crois qu'il est plutôt roi de la France, le terroriste. À chaque gamin qu'on fait sur terre, à chaque respiration, mon frère, leur terrorisme. Moi je le sens comme une cartouchière, chaque fin de mois dans mon salaire, le terrorisme. C'est pas l'attentat dans le métro, c'est l'attentat pour mon cerveau, leur terrorisme. Nos humanités mises à mort, la pornocratie à tout bord, qui me terrorise. Alors à quand, dis-moi mon frère, mon montron pour tuer les pères du terrorisme. Pour leur apprendre les bonnes manières, puisqu'en argent sont les cuillères du terrorisme. Puisqu'après tout, on est tous frères, pour leur apprendre un peu la terre, nos humanismes. La guillotine au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au terrorisme. La guillotine au ministère, puisqu'il paraît faut faire la guerre au terrorisme. Non, ce qui peut être important dans cette chose de BD, c'est simplement pour les anarchistes. Parce que dans le mouvement anarchiste, il y a beaucoup de gens qui se disent anarchistes, qui sont anarchistes ou qui se disent anarchistes, mais qui ne connaissent pas l'histoire de l'anarchie. Et ça, c'est bien pour connaître un peu le fondement, parce qu'il y a plein de gens qui sont foncièrement anarchistes, je pense. Révoltés ou comment ça s'appelle, une certaine sensibilité, Et c'est bien parce qu'ils vont apprendre, à... Parce que tout, que ça soit Malatesta, que ça soit Bakounine, bon, on dit toujours les grands, mais il y a des gens extraordinaires comme Luis Marcial Vega, qui était un type extraordinaire. Il y a plein de gens. Il y a une liste énorme. Ceux qu'on écrit, que je me souvienne. Comment s'appelle sur les livres anarchistes, il y a comment il s'appelle Michel Dragon, mais il y a surtout un type qui a été. Daniel Guérin. Daniel Guérin, il avait cette particularité que dans l'anarchiste, il est un des seuls, c'est qu'il était marxiste. Tandis que les autres n'ont jamais été marxistes. Mais il y a des gens comme Frank Mintz, qui sont extraordinaires, c'était un bulgare d'origine. Et il y a surtout, comment il s'appelle, un écrivain argentin qui était d'origine argentine. Non, c'est compliqué, c'est encore plus compliqué. En fait, Kaminski, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit... Ceux de Barcelone, qui est un truc, mais ça il faut lire parce que c'est tellement beau et ça vient d'être réédité, je pense. Si vous regardez à la Fédération anarchiste, à leur librairie qui est rue Amelot. Et là, ça vaut le coup de le lire parce que ça donne une idée sur la guerre d'Espagne qui est assez extraordinaire. Et il a écrit un deuxième livre que personne ne connaît. C'est un livre sur Céline. Je ne me souviens plus du nom. C'est Chemise Brune ou un truc comme ça. Et il descend Céline. C'est un contre Céline. Moi, je suis très content parce que ce qui m'énerve dans le mouvement anarchiste, tout le monde, quand on dit du mal de Céline, oui, mais il écrivait bien et tout, c'était un nazi, c'est tout. Et moi, je me révolte. Ces pamphlets antisémites le montrent de façon... En plus, il écrivait bien, alors ça donnait du poivre à moutre pour les fascistes, quoi. Et alors je voulais encore dire un truc, c'est à quel point je suis fier que la bande dessinée de Véronique Evin-Schluss soit extrêmement cohérente, parce que le dessin est totalement, je trouve, cohérent avec le sujet. Il a une patte totalement bien crado, oui. Et bien punk, on n'est pas du tout dans l'argot winch, quoi. Non, non. Et donc le dessin et le texte de Véronique, c'est il y a une osmose qui je trouve extrêmement bien réussie et qui va, à mon avis, justement aider à rendre tout le sel du propos. Enfin, quand on ouvre la bande dessinée, on sait où on est, et c'est pas une construction, quoi. C'est un truc qui s'est fait assez naturellement et qui est né de façon d'ailleurs assez anarchique, d'ailleurs. Mais oui, il y a un spontanéisme, une espèce de, au sens de spontanéité anarchiste. Voilà. Et c'est pas du tout léché, c'est pas du tout aseptisé dans les dessins. Voilà. Winsluis a réussi à mettre un côté très rugueux et justement un côté anti-autoritaire, un côté libertaire, un côté émancipation. le mot est supprimé, censure. Ça amène, il y a des libertaires américains qui... c'est vrai que ça suscite une confusion. Vous savez pourquoi le truc libertaire a été... Oui, par Déjà, c'est lui qui a inventé le terme. En fait, libertaire, c'est venu que quand il y a eu les lois scélérates, oui, oui. En 1900, quand Bonneau est mort, ouais. On ne pouvait plus dire prononcer anarchie. Oui. Alors les anarchistes se sont retrouvés en disant « qu'est-ce qu'on va dire ?» Alors il y en a un qui a dit « libertaire ». Et comme les lois scélérates ont été abolies, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, hein, il y a une dizaine d'années. Oui, ouais, très tard, exactement. Et maintenant, on peut dire. Mais c'était anarchie. Vrai que c'était les premiers fichiers Interpol, hein, où il y avait un fichage, un profilage de tous les anarchistes pour le. Et une censure de la presse. Tout à fait. Ouais. Juste peut-être un mot sur la fin, parce que c'est vrai, à la fin, il y a pas mal de mouvements qui sont cités. Nous, la dernière page avec No Border, Black Bloc. Flower Power, Gilets jaunes, et Occupy et tout ça. Et donc c'est vrai que je pense que ouais, ça sera la suite alors d'un BD, tout ça. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire l'anarchie à l'heure actuelle, au XXIe siècle. D'ailleurs, dans l'œuvre de Tancrède Ramonet, il y avait trois parties normalement pour Arte. Et la troisième partie n'est jamais sortie parce qu'il y a eu des problèmes apparemment, des oppositions. Mais je crois qu'on peut quand même la voir sur Internet. Non, ah, moi, je ne l'ai jamais vue. Je pense que non. Ils n'en ont pas fait. Ils n'en ont pas fait, justement, parce que l'anarchie fait encore peur. Et donc, on l'aimait bien quand c'était repoussé dans le passé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais pas au-delà. Elle ne fait pas peur, elle fait simplement, c'est qu'il y a des groupes politiques comme le Parti communiste français, des trucs qui systématiquement bloquent les idées anarchistes parce que ça ne leur plaît pas. Comme il y a des trotskistes, comme il y a des marxistes-léninistes, c'est simplement ça. Ça les gêne que les anarchistes ont. Et dans les jeunes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont anarchistes, oui. Qui n'ont pas une grande connaissance du mouvement anarchiste, mais ils sont là. Pour eux, ça leur plaît, ce côté de libérer, de s'exprimer. Et surtout, ce qui leur plaît, c'est qu'il n'y a pas de chef. Et c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes. Oui, en fait, c'est vous connaissez l'histoire de Dix Milieux du Maître. Oui, elle le dit que c'est Blanqui qui a dit. C'est Blanqui qui l'avait dit. C'est marqué dedans. Mais c'est assez extraordinaire. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de jeunes. Il y a eu. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'anarchie. Il y a eu des mouvements complètement fous. Il y a eu les Provos, qui étaient un truc extraordinaire, qui a duré 3 ans. Les communautés aussi. Ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant. Comme Cécilia, Christiana à Copenhague. Oui, il y a eu Christiania. Mais pour moi, le plus beau, c'est quand même les Provos. Ouais. C'est extraordinaire. Je parle des 60 années, oui, et donc l'un des Provos encore vivants, les plus célèbres et les plus actuels, c'est Willem, qui est dessinateur de Libération. Mais il y a quand même une fille qui vit dans le Midi, qui fait de la peinture, qui est extraordinaire, qui était dans le mouvement Provo. Et nous, on a interviewé un jour à la radio une femme qui a fait partie des Provo en Belgique, oui. Et qui s'appelle Danielle Madrid. On l'avait interviewée pour la radio et c'était super intéressant parce qu'elle racontait comment ils avaient fait du côté belge. Voilà. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on va terminer ici parce qu'on peut continuer à parler très longtemps sur le... Ouais. Et vive l'anarchie. Vive l'anarchie. Merci. En tout cas, écoutez, voilà. Vive et puis bon, s'il y a un autre sujet intéressant et tout, voilà, on peut toujours venir en discuter à la radio. Oui, quand vous voulez. Oui, comme je te disais, je sors une nouvelle version de Aujourd'hui la Révolution chez l'éditeur Aldante en premier trimestre 2020, où je parle de la fraction Armée Rouge et donc surtout de la personne d'Ulrich Meinhof. Et donc c'est un livre dont personne ne voulait. Déjà il y a 10 ans, personne ne voulait l'éditer. Et donc maintenant je sors une nouvelle mouture pour rouvrir le passé de l'Allemagne et ses années de plomb. Et donc voilà, okay. Je te le passerai. À l'occasion, on en reparlera. Ok, d'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités.